الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous sommes dans le septième dars, le septième leçon. Bon, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, l'époque des califes bien guidés et des compagnons en général est une continuité de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, bon, le pays musulman s'est élargi avec les conquêtes. Et les compagnons s'étaient dispersés partout dans le monde. Et à cette époque apparut le consensus, l'ijma'. Les grands compagnons, comme les califes, bon, ils réunissaient les autres compagnons quand ils n'arrivaient pas à résoudre un problème. Et s'ils se mettaient d'accord sur un point, ils l'adoptent. Parmi les compagnons, bon, il y a ceux qui ont dispensé beaucoup de fatwas, grands fuqaha, comme Omar, Ali, Abdullah ibn Abbas, ibn Mas'ud, ibn Omar, Aïcha, Zayd ibn Thabit. Chez certains, il faut même plusieurs volumes pour contenir leur fatwa. Les moyens dans la fatwa sont Abu Bakr, c'est-à-dire ceux qui ont dispensé moins de fatwa, sont Abu Bakr, Uthman, Anas ibn Malik, Salama, Abu Sa'id, al-Khudri, Abu Musa, al-Ash'ari, Abu Huraira. Et puis, bon, l'ensemble des compagnons, ils ont fait peu de fatwa, une dizaine, comme Abu Darda, Abu Al-Yusr, Hafsa, Habiba, Abu Dhar, Abu Ayyub Al-Ansari, Ubay ibn Ka'b. L'époque suivante, celle des tabi'in, qui est le prolongement de l'époque des compagnons, cette époque est caractérisée, bon, par l'apparition de grands savants, des sept fuqaha surtout. Les sept juristes de Médine, ces sept juristes étaient vraiment la référence dans la jurisprudence. Les savants et les gens recouraient à eux. Ils sont les savants les plus célèbres de Médine. S'ils sont d'accord sur une question, on dit que cette question fait l'accord unanime des sept jurisconsultes. Ibn Qudama en parle souvent dans le Mourni. Ces sept fuqaha sont Saïd ibn al-Musayyib, Urwa ibn al-Zubayr, Kharija ibn Zayd, Sulayman ibn Yasar, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud, et Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Quand ils sont d'accord sur une question, ils lui donnent une certaine autorité, c'est-à-dire qu'il a du poids. Bon, l'époque des compagnons et des tabi'in, sont apparues deux écoles, l'école du Hijaz et l'école de l'Irak. L'école du Hijaz se trouve à La Mecque, à Médine. Le cheikh de cette école à La Mecque est Abdullah ibn Abbas. Parmi ses élèves qui se sont illustrés dans le fiqh, c'est Taous, Ikrima, Mujahid ibn Jabr, Saïd ibn Jubayr et autres. Le cheikh de cette école à Médine, à savoir l'école de Hijaz, c'est Abdullah ibn Omar. Parmi ses élèves, Nafi', Salim, son fils, Saïd ibn al-Musayyib. Cette école s'appuie sur la riwaya, sur le texte, le Coran, la Sunna. La deuxième école, c'est celle de l'Irak. Son cheikh est Abdullah ibn Mas'ud. Ses élèves, les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud, bon, il y a Alqama ibn Waqqas, Ibrahim al-Nakhai. Cette école était très stricte, très rigoureuse dans la question de la transmission des hadiths. Elle exigeait des conditions très strictes pour l'acceptation d'un hadith. Pourquoi? Bah parce que l'Irak a connu l'apparition des sectes. Sectes chiites, les Khawarij, les Qadariyites, les Murji'a et beaucoup de partisans de ces sectes inventent des hadiths qui appuient. Pour appuyer leur doctrine, ben, ils inventent des hadiths, ils profèrent des faux hadiths. Bon, le fondateur de cette école, comme j'ai dit, c'est Abdullah ibn Mas'ud, il a suivi la voie de Omar dans sa longue méditation sur les questions où il n'y a pas de texte clair et dans ses déductions. Vous savez, Omar, il prenait beaucoup de temps, il consultait les compagnons, parfois il ne répondait à une question qu'un mois plus tard, comme a dit l'imam Shaabi. Il était très strict aussi en matière du hadith. Par exemple, prenons l'exemple d'un hadith rapporté par le Bukhari, Muslim, qui dit qu'Abu Musa al-Ash'ari s'est mis près de la porte de Omar ibn al-Khattab et a demandé la permission d'entrer trois fois. Mais Omar ne répondit pas. Abu Moussa, alors, son ala Omar le rejoignit, lui demanda, lui dit, pourquoi tu n'es-tu pas rentré? Il lui a répondu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quand l'un de vous demande l'autorisation d'entrer et que la troisième fois il ne lui permet pas d'entrer, il doit s'en aller. Omar lui dit, si tu ne me ramènes pas quelqu'un qui a été témoin de ce que tu viens de dire, je te punirai. Abu Moussa radiallahu anhu se rendit à une assemblée des Ansar, des auxiliaires médinois, qui se trouvent dans la mosquée, et leur raconta ce qui lui est arrivé avec Omar. Abu Saïd al-Khudri, qui était le plus jeune de l'assemblée, l'accompagna chez Omar et lui dit qu'il a entendu le même hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar alors dit à Abu Moussa, lui a dit, sache que je n'ai pas conçu de doute à ton sujet, mais je craignais seulement que les gens ne disent n'importe quoi sur l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il craignait que les gens ne rapportent des mensonges sur le compte de l'envoyé d'Allah. Bon, cette méfiance vis-à-vis des transmetteurs du hadith, le grand nombre de faux hadiths qui se trouvaient en Irak, qui se répandaient en Irak, ont poussé cette école à s'appuyer sur l'effort de réflexion et sur l'opinion personnelle, à savoir ra'i. C'est le ra'i qui a été adopté par la suite par l'école hanafite. Quand on dit cette école plus sur l'opinion personnelle que sur les preuves scripturaires, à savoir madrasat al-ra'i. Bon, la quatrième étape est celle des tabi'in mineurs. Cette étape est appelée l'étape du tadwin. Le tadwin, c'est la réunion de la jurisprudence et des données traditionnelles dans les livres et leur codification. Bon, elle commence du début du 2e siècle de l'Égypte et se termine à la moitié du 4e siècle de l'Égypte. C'est l'âge d'or de la science du fiqh. À cette époque, les règles de jurisprudence ont été réunies dans des livres. Et il est apparu aussi la science des usul fiqh. Bon, c'était vraiment l'âge d'or du fiqh. De grands imams sont apparus, de grands mujtahids. Ils sont les fondateurs des écoles de jurisprudence, Ashab al-Madahib. Les plus éminents d'entre eux sont Layth ibn Sa'd en Égypte, Al-Awza'i au Sham, en Syrie, l'imam Shafi'i à la Mecque, Soufiane ibn Uyayna à la Mecque, Malik à Médine, Abu Hanifa à Al-Kufa, Soufiane al-Thawri à Al-Kufa, Ahmed ibn Hanbal à Bagdad, Ibn Jarir Tabari, le célèbre exégète Ibn Jarir Tabari à Bagdad, Abu Thawr à Bagdad, Ishaq ibn Rahawai à Nisabour, Daoud ibn Ali, c'est le fondateur du Madhab Zahirite à Bagdad, et Hassan al-Basri à Al-Basra. Ces imams avaient chacun une école, Madhab. Ils avaient chacun établi des règles et avaient leurs propres avis. Toutes ces écoles ont connu un déclin, sauf quatre écoles. L'école Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. L'école Zahirite, il est resté quand même à une certaine période et il en reste quelques savants aussi dernièrement. Bon, pourquoi seules quatre écoles ont subsisté? Pourquoi? Parce que ces quatre imams avaient des élèves, ils avaient des disciples qui ont enregistré leur savoir et l'ont transmis aux générations qui les ont succédés, contrairement aux autres imams. Les autres imams, après leur mort, ils n'avaient pas d'élèves qui retenaient d'eux leur savoir et le propageaient et le développaient. Ah, d'où l'importance des élèves, c'est très important. Quoique aujourd'hui, bon, on commence à réunir certains avis de ces imams-là, comme par exemple, il y a une risala qui s'appelle Ara al-Layth ibn Sa'd al-Fiqhiyya, les opinions de jurisprudence de Layth ibn Sa'd. Mais il demeure des livres, de simples livres, quoi. La cinquième étape est celle de la stagnation. Oui. La cinquième étape, c'est la stagnation et la décadence. Elle commence à la moitié du 4e siècle de l'Égypte. C'est vers les 350, les années 350 de l'Hégire. À cette époque, la science du fiqh a stagné et n'a pas évolué. Cette époque est caractérisée par les muqallidin. C'est à cette époque-là qu'est apparue l'imitation servile. Il suivait à la lettre les enseignements d'une école sans recourir aux preuves scripturaires. Il ne recourt ni au Coran ni à la Sunna. Et il est apparu ta'assub, l'attachement inconditionnel à un madhab. Il n'est apparu qu'au IVe siècle. Et bon, il y avait l'entêtement, l'obstination à défendre les avis, quitte à être même des avis contraires au Coran et à la Sunna. À cette époque aussi sont apparus des fuqaha qui ont appelé à la fermeture de l'ijtihad, grave aussi, revendication grave, à la fermeture de l'ijtihad. Bon, tout ce qui a été écrit comme livre de jurisprudence, c'était juste des murtasars, des abrégés d'anciens livres. Il n'y avait pas vraiment grand-chose. Non, quoique normalement il y avait de grands savants. Cette époque ne manquait pas quand même de savants mujtahid, mais ils étaient peu nombreux, comme Ibn Qudam al-Maqdisi, l'imam al-Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Hajar, l'Asqalani, l'Izz ibn Abd al-Salam, comme Ibn Daqiq al-Eid, l'imam al-Shatibi. Bon, après cette étape, bien sûr, est venue la dernière étape, c'est l'époque de la Renaissance actuelle. Elle a commencé à partir du 14e siècle de l'Égypte. La science du fiqh, elle a commencé à se revivifier. On commença à appeler à rejeter l'attachement inconditionnel au madhab. On commença à rejeter les limitations serviles. Et on commença à revenir à la source pure du Coran et de la Sunna. Ce qui a aidé à cette renaissance, c'est que les savants se mettaient à se consacrer au tahrij. Tahrij, quand ils étudiaient un livre de jurisprudence ou de tafsir, d'exégèse, ils cherchaient les références de chaque hadith et de chaque athar, de chaque tradition d'un compagnon. Ils cherchaient les chaînes de transmission, les rapporteurs, puis ils voient si telle tradition, tel hadith est authentique ou faible, et mettent le lien entre la qualification juridique ou le statut ou le jugement et le délit, la preuve scripturaire, contrairement à l'époque qui a précédé où les fuqaha donnent hukm sans revenir aux preuves. Ce qui a contribué aussi à cette renaissance, c'est les techniques actuelles, les imprimeries de plus en plus sophistiquées, l'internet, les livres et les cours sont devenus à la portée de tout le monde. Les universités se sont multipliées et, alhamdoulilah, bon, il est apparu aujourd'hui ce qu'on appelle l'ijtihad collectif, qui n'existait pas auparavant, comme le Majma' al-Fiqhi, l'Islami, Hay'at Kibar al-Ulama. Bon, des savants éminents sont apparus à cette époque, comme Mohamed Amin Shanqiti, comme Abdurrahman Ibn Sa'di, comme Cheikh Nasser Dil Albani, Ahmed Shakir, Cheikh Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Ibn Jibrin, des savants indiens aussi, l'A'zami, Mubarak Fouri, Hayat Sindhi, d'autres savants. Bon, après cet aperçu, si vous voulez, sur les étapes historiques du fiqh, bon, nous allons commencer par les madahib qui existent jusqu'à aujourd'hui en vigueur, à savoir les quatre madahib. Et on va commencer par le madahib d'Abu Hanifa, rahimahullah. Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Il est né en 80 de l'Hégire et il est mort en 150 de l'Hégire. Il était ascète. La fonction du juge lui fut proposée, mais il refusa et fut même emprisonné à cause de cela. Il gagnait sa vie par le commerce. Abu Hanifa s'est distingué par son intelligence, vraiment, et la capacité de déduire les ahkam des textes. C'est vraiment quelqu'un grand faqih. Il a appris la science de son cheikh Hamad ibn Abi Sulayman. Il l'accompagna durant environ 18 ans et s'est inspiré beaucoup de son savoir dans ses recherches et ses déductions. Hamad ibn Abi Sulayman étudia chez Ibrahim al-Nakhai, Ibrahim Nakhai, c'est le savant qui s'est inspiré des enseignements de l'école d'Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, Abu Hanifa appartient à l'école de l'Irak. Quand on dit cet avis et celui des Irakiens, on vise surtout l'école hanafite. Et ceux qui lui ont, l'école hanafite, bien sûr, et ses successeurs, ceux qui lui ont emboîté le pas dans le fiqh. Cette école s'appuie dans son ijtihad et ses déductions sur l'opinion personnelle et le raisonnement analogique, qiyas, et sur ra'i. C'est pour cela que Abu Hanifa fut qualifié de l'imam des gens du ra'i. Alors les bases, les sources de législation sur lesquelles se fonde l'école hanafite sont le Coran, la Sunna, l'Ijma', l'Qiyas, le raisonnement analogique, l'Istihsan, l'appréciation subjective. L'Istihsan, comme j'ai dit, c'est le fait que le faqih abandonne par exemple un hukm, qualification juridique, une disposition légale qui se fonde sur un argument clair, dont le sens est clair, au profit d'un argument subtil qui n'apparaît pas aux gens du commun. C'est-à-dire que seul le faqih qui a examiné les textes minutieusement peut déceler cet argument-là, peut déceler cette illa. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'istihsan. Bon, on dit souvent que les hanafites utilisent exagérément le qiyas, mais il faut savoir une chose, c'est que les disciples d'Abu Hanifa sont unanimes sur le fait qu'Abu Hanifa préfère le hadith da'if au qiyas. Il préfère le hadith faible au qiyas et à l'opinion personnelle. Et c'est sur ce principe qu'il a fondé son madhab. Et j'entends par là son madhab personnel, parce qu'il y a une différence entre le madhab du fondateur et du madhab normatif, du madhab terminologique, du madhab qui est pris en considération par les savants, qui est pris en considération. Parce qu'il y a une différence, ça se trouve dans tous les madhahib, où le cheikh Abu Hanifa ou le Shafi'i ou l'imam Malik ou l'imam Ahmed Mahambal donne un avis, et parfois le madhab en général n'adopte pas l'avis de l'imam, du fondateur, mais il adopte l'avis de ses disciples ou d'un certain accord qui s'effectue au sein de l'école. Donc il faut faire cette différence-là. Faut en être conscient. Ce consensus, bon, c'est ittifaq que des disciples d'Abu Hanifa sur le fait qu'il fait prévaloir le hadith da'if sur le qiyas a été cité par Ibn al-Qayyim rahimahullah dans I'lam al-Muwaqqi'in. Ibn al-Qayyim I'lam al-Muwaqqi'in dans le premier volume. En voici quelques exemples. Le hadith: celui qui rit aux éclats au cours de la prière doit refaire les ablutions à la prière. Ça, c'est un hadith. C'est hadith al-Qahqaha, ils appellent ça hadith al-Qahqaha. Abu Hanifa a accepté ce hadith et a préféré ce hadith au qiyas, qui consiste à dire que les ablutions ne s'annulent que si quelque chose d'impur sort du corps. L'imam al-Bayhaqi a cité toutes les voies de ce hadith dans son livre Al-Khilafiyat et l'a qualifié de faible. De même, l'imam Daraqutni, le grand savant muhaddith, critique Daraqutni dans ses sunan, il a fait la même chose. D'autres l'ont qualifié aussi de da'if, y compris les muhaddithines hanafites comme Zayla'i dans Nasb al-Raya et le grand savant indien du hadith, à savoir Abu al-Hasanat al-Laknawi, le hanafite aussi. Il a même consacré une risala sur ça. Donc il a préféré ce hadith qui est même da'if au qiyas. Le hadith d'Ibn Mas'ud, il y a un hadith qui dit que la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les djinns, il a dit à Ibn Mas'ud: qu'est-ce qu'il y a dans ton outre, ma fi idawatik? Ibn Mas'ud qal nabid, il a dit du nabid. Du nabid, c'est le produit de la macération des dattes avec du miel et de l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un bon fruit et une eau pure. Puis il fit ses ablutions avec ce jus. Ce hadith est rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi, et ce hadith c'est da'if. L'imam Nawawi a dit même que les savants du hadith sont unanimes sur le fait que ce hadith est da'if. Abu Hanifa s'est fondé sur ce hadith pour autoriser les ablutions avec le jus de date en voyage. C'est-à-dire quand l'homme est en voyage et quand on manque d'eau. Il a mis ce hadith avant le qiyas. Il y a un autre hadith comme le hadith d'Ouathil ibn al-Asqa', la période minimum des menstrues est de 3 jours et la période maximum est de 10 jours. Les hanafites font prévaloir ce hadith sur le qiyas qui fixe le minimum des menstrues à 1 heure. D'accord? Donc c'est un point qu'il faut savoir. Ce hadith il est rapporté par Tabarani dans l'Awsat. Il est qualifié de très faible, voire munkar. Bon, on attribue à l'imam Abu Hanifa des livres comme Al-Fiqh al-Akbar. C'est un livre sur la théologie dogmatique, c'est un livre sur la aqida. Et on lui attribue aussi un autre livre, c'est l'Alim ou l'Muta'allim. C'est sur l'éthique, le savant et l'apprenti, et l'élève, sur l'éthique que doit observer l'étudiant en sciences religieuses. Les meilleurs élèves de l'imam Abu Hanifa sont les deux compagnons, savoir les sahiban. On appelle les sahiban. Quand les hanafites disent sahiban, ils désignent qui? Ils désignent Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Kufi. Hein? Abu Yusuf, imam. Il est mort en 182 de l'Hijr. Et l'autre sahib, c'est Mohamed ibn Hassan al-Shaybani. Mohamed ibn Hassan al-Shaybani, il est mort en 189 de l'Hijr. Mohamed ibn Hassan al-Shaybani fut l'élève d'Abu Hanifa pendant une courte durée. Et quand Abu Hanifa est mort, il continua son instruction chez Abu Yusuf. Dans beaucoup de masaïl, de responsa, le madhab hanafite s'appuie sur les paroles de Abu Yusuf et de Mohamed ibn Hassan al-Shaybani. Dans beaucoup de questions, l'avis d'Abu Hanifa est différent de celui de ses deux compagnons. Attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire cette différence entre le madhab personnel et le madhab atibari, madhab pris en considération. Madhab convenu. Le madhab hanafite, dans beaucoup de questions sur les enseignements, se base sur les enseignements des deux compagnons. Sahiban, si les deux compagnons, Abu Yusuf et Muhammad, sont d'accord sur un avis, souvent l'école adopte cet avis, même s'il est contraire à l'avis d'Abu Hanifa. Les deux sahiban ont eu des avis différents de ceux d'Abu Hanifa dans presque le tiers du madhab, comme le souligne le savant hanafite, le grand savant Ibn Abidin, dans Al-Hashiya, Hashiyat Ibn Abidin. Les exemples, bon, sont très nombreux. Notons deux exemples. L'imam Mohamed ibn Hassan al-Shaybani, il rapporte dans son Muwatta. Mohamed ibn Hassan, il a un Muwatta. Dans son Muwatta, il dit, quant à Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, il jugeait qu'il n'existe pas d'office de la prière dans l'istisqa. L'istisqa, c'est la prière d'érogation, c'est-à-dire la prière de l'imploration de la tombée de la pluie. Il dit, tandis que nous, il parle de lui, dans le madhab, nous soutenons que l'imam doit présider une prière de deux rak'at, puis il fait des invocations, puis il retourne ses vêtements. Abu Hanifa jugeait qu'il n'existe pas de prière dans le istisqa, il n'y a que le dua. Deuxième exemple, c'est Issam ibn Yusuf, qui est un des collègues de l'imam Mohamed ibn Hassan al-Shaybani et l'un des disciples d'Abu Yusuf, a plusieurs fois émis des fatwas contraires aux avis d'Abu Hanifa, quand il voyait que les avis d'Abu Hanifa ne s'appuient pas sur des arguments solides. Et c'est pour cela qu'il levait ses mains quand il faisait le rokou' et quand il relevait du rokou'. Vous savez, comme le prouve le hadith authentique, et même mutawatir, on peut même dire qu'il est mutawatir, rapporté par plusieurs chaînes de rapporteurs. Il y a même 20 hadiths là-dessus. Dans celui-là, Abu Humayd al-Sa'idi a fait la prière devant 10 compagnons, leur décrivant comment le prophète sallam faisait la prière. Et il a levé les mains lors du rokou' et quand il l'a relevé du rokou', ils l'ont tous approuvé. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc il faut faire une distinction, comme j'ai dit, entre le madhab personnel et le madhab pris en considération. Cela est valable pour tous les madhab. C'est très facile à comprendre. Une école comporte un fondateur et des élèves. Avec le temps, bon, l'école grandit, ses enseignements se développent, plusieurs nouvelles questions apparaissent, plusieurs cas nouveaux apparaissent. Il y a des arguments nouveaux apparaissent. Hein? Il y a des nouvelles explications des textes. Il y a ce qu'on appelle le ta'sil, le takhrij. Bon, le madhab, il évolue. S'il n'évolue pas, il s'écroule, il tombe. Et il ne reste que, si jamais il n'évolue pas, bon, il ne reste que les muqallidin et les muta'assiba et les mubtadi'a, les innovateurs. Parfois, un seul imam a deux, trois, voire plusieurs avis sur une seule question. Hein? On peut distinguer des versions différentes rapportées par ses disciples. Ça, c'est une remarque qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte. Il y a d'autres élèves d'Abu Hanifa comme Zufar ibn al-Hudayl, Al-Kufi et Abu al-Hassan al-Lu'lu'i. Le madhhab hanafite, il est très répandu dans le monde musulman. En ce qui concerne les gens qui le suivent, l'Asie centrale, la Turquie, le Cham, l'Irak, l'Égypte à l'époque de Mohammed Ali Bacha. Pourquoi le madhhab hanafite s'est répandu? Bon, deux dynasties, deux califats avaient adopté le madhhab. Les Abbasides et les Ottomans. Les Abbasides, bon, le calife Abbasides Al-Rashid, il a désigné Abu Yusuf comme grand juge de Bagdad. Les livres, alors, les livres sur du madhhab hanafite, il y a beaucoup de livres. Bon, les livres de base, on va citer, allez. Les livres de base, Kutub Zahir al-Riwaya. Les livres de base du madhhab hanafite sont Kutub Zahir al-Riwaya. Ces livres ont été écrits par Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. On les appelle Osul. Ce sont les Osul, d'où les bases. Dans la majorité de ces masa'il, de ces responsas, question, le madhhab revient à ces livres. Beaucoup de livres des Hanafites, on trouve l'expression suivante, cela est cité dans Kutub Zahir al-Riwaya. Ils sont au nombre de 6. Il y a le Jami' al-Sahir, le Jami' al-Kabir, Siyar al-Kabir, Siyar al-Sahir, Al-Ziyadat et Al-Mabsout. Ces livres sont réunis dans un seul livre qui s'appelle Kitab al-Kafi. Bon. Il y a d'autres livres, comme par exemple celui de l'imam Shamsuddin, ou Shams al-A'imma al-Sarkhasi. Il a écrit un livre, il s'appelle Mabsout. Il est autre que le Mabsout de Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, dans lequel il a expliqué un livre qui s'appelle Kafi. C'est un ouvrage en 30 volumes. Ce qui est étonnant, c'est que cette explication, il l'a dictée en prison. Si tu lis ce livre, tu vas rester perplexe. Il y a cité les avis des savants dans leurs termes exacts, les hadiths, les preuves de chaque savant, les avis de Shafi'i et de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, puisqu'il est venu après l'imam Sarkhasi. Vraiment une encyclopédie dans le fiqh hanafite. Et il l'a dicté, c'est-à-dire de sa mémoire, sans lire, sans recourir au livre, sans se référer de sa mémoire, et en prison. Et le livre commence comme suit. « Qala al-Sheikh al-Imam al-Ajal al-Zahid Shams al-A'imma Abu Bakr Muhammad ibn Abi Sahal al-Sarkhsi rahimahullah wa nawwara dariha wa huwa fil habsi bi'uzajand imla'an » Il l'a cité alors qu'il se trouvait dans la prison. Il l'a cité, il l'a dicté comme ça, de sa mémoire. C'est un savant du 5e siècle de l'Égypte, le début des années 400 de l'Égypte. Parmi les livres sur lesquels se fonde le madhhab hanafite, Mukhtasar al-Quduri. Et l'un des grands livres sur lesquels se base aussi, c'est Bada'i' al-Sana'i' fi tartib al-Shara'i'. Là, c'est un livre vraiment très intéressant. Et ce livre, il est très connu dans le madhhab, très instructif. Il est très bien ordonné, on dirait même livre du 14e siècle, de ce dernier siècle, parce que vraiment il a une méthodologie pédagogique. Et bon, ce livre là a été fait par Alaeddin Al-Kassani, s'appelle Bada'i' Sana'i' fi Tartib Al-Shara'i'. Comme autre livre, il y a Kitab al-Hidayah, Sharh Bidayat al-Mubtadi' li Burhan al-Din al-Marghinani, il y a Fath al-Qadir li Kamal ibn Humam, il y a Sharh al-Kifaya على الهداية لجلال الدين الكرلاني الخوارزمي، كتاب البناية للعيني، عمدة القاري. بون سو سون بوكو، يا بوكو دو ليفر. باسون ماتنون او مذهب مالكيت. Alors, le fondateur de ce madhab est Malik ibn Anas al-Asbuhi. Il est né en 93 de l'Hégire et il est mort en 179 de l'Hégire. Donc, il était contemporain d'Abu Hanifa. Seulement, l'imam Malik n'a jamais quitté Médine, sauf pour le pèlerinage vers la Mecque, contrairement aux autres savants qui voyageaient à la recherche de la science. La raison de cela est qu'il y avait beaucoup de savants à Médine. Il y avait beaucoup. Il n'avait donc pas besoin de se déplacer pour chercher la science. Il était un imam dans le fiqh et dans le hadith. Il a écrit son livre Al-Muwatta, qui est une référence dans le fiqh et dans le hadith en même temps. L'imam Shafi'i dit au sujet de Malik, « Malik est mon professeur. De lui, j'ai pris la science et il est l'argument entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Bon, huwa al-hujja. Personne, là, il a loué l'imam Malik. Il a dit, personne n'a de faveur sur moi si ce n'est Malik. Bon, Shafi'i est bien sûr un des élèves de Malik. Et on rapporte de beaucoup de ceux qui l'ont vu, de ceux qui ont vu Malik, il raconte qu'il était grand, beau, blanc, aux yeux bleus. Il avait du charisme et il inspire la crainte, de la révérence. Malik, il a appris la science chez beaucoup de cheikhs. Parmi ces cheikhs, les plus éminents, les plus connus, Rabi'a. Rabi'a ibn Abdullah ibn Abd al-Rahman. Qui est connu sous le nom de Rabi'at al-Ra'i. Et comme autre cheikh de l'imam Malik, il y a Abdurrahman ibn Hormuz. Il a étudié aussi chez Nafi'. Nafi', c'est la franchise d'Ibn Omar. La chaîne de transmission où Malik rapporte le hadith de Nafi', lequel le rapporte d'Ibn Omar, on l'appelle quoi ? On appelle comment ? On l'appelle As-Silsila al-Dhahabiyya. Il est appelé la chaîne d'or. Il a pris aussi la science de l'imam Zuhri, du grand Zuhri. Et il rapporte des hadiths de Zuhri, lequel le rapporte de Salim, lequel le rapporte d'Ibn Omar. Cette chaîne est aussi appelée chaîne d'or. Les sources de législation du madhab malikite sont le livre, la sunna, l'ijma'a, la vie du compagnon, dans beaucoup d'endroits de son Muwatta, Malik tire argument des paroles des compagnons, contrairement au madhab Hanafit. Et la pratique médinoise, Amal Ahli al-Madina. Comme autre source, c'est la pratique médinoise. C'est le point par lequel le madhab malikite se distingue des autres madhabs. L'imam Malik tire argument de la pratique des gens de Médine. S'il voit une pratique qui est d'usage courant à Médine, il lui reconnaît une valeur normative. Il la prend pour argument. Bon, bien sûr, les autres savants, la plupart des savants des autres madhab, ils ont réfuté cette thèse et ils ont opposé au Malikite plusieurs objections. Ils ont dit, écoutez, quelle est la différence entre les gens de Médine et les gens de Cham, et les gens aussi de l'Irak. Si vous dites qu'il y avait les compagnons à Médine, au Cham aussi, il y avait des compagnons. À l'Irak aussi, il y avait des compagnons. Bon, ça c'est bon. C'est ce qui fait distinguer Malik des autres fondateurs de Madhab. Comme autre source de législation, c'est la question de Sadd al-Dhara'i'. Sadd al-Dhara'i'. C'est la fermeture de la porte à tout ce qui peut frayer le chemin à une infraction. Le madhab malikite, il adopte cette source-là, cette base. Il l'appelle Sadd al-Dhara'i'. C'est l'élimination des incidences préjudiciables. La fermeture de la porte à tout ce qui peut frayer le chemin à une infraction. L'imam Malik est strict sur ce point. Quand il sait qu'un acte licite va frayer le chemin à un acte illicite ou à une infraction, comme par exemple une transaction qui peut conduire à riba, à l'usure, ou le mariage pour prendre une femme licite pour le mariage, le mari fictif, tahlil, c'est ce que les fuqaha s'appellent tahlil, le mariage pour rendre une femme licite à son premier mari, là il est strict. Bien sûr, il y a des preuves du bien fondé de ce principe, comme par exemple la parole d'Allah. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux n'insultez pas ceux qu'ils insultent qui ont وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qu'ils insultent en dehors d'Allah, car ils insulteraient Allah par représailles sans la moindre science. Donc, si on insulte les idoles des associateurs, ben, ils risquent d'insulter Allah par représailles. Donc, pour fermer la porte, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, n'insultez pas. N'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. N'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, car ils insulteraient Allah par représailles sans la moindre science. On se lève également, bon, la prière derrière la tombe, interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Comme c'est rapporté dans le Sahih de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de prier derrière la tombe parce que ça peut frayer le chemin au shirk. Comme autre asl, c'est l'adoption du principe de l'intérêt général, le masalih al-mursala, une chose qui est de l'intérêt des musulmans qui est indiquée par un texte général. C'est ce qu'on appelle ça, le masalih al-mursala. Bon, les disciples. Les disciples de l'imam Malik, l'un des disciples les plus connus de l'imam Malik qui a enregistré sa science, est Abdurrahman ibn al-Qasim. La Mudawwana, qui est une référence du madhab malikite, celui qui l'a écrite, c'est Suhnun, qui est le disciple de Abdurrahman ibn al-Qasim. Abdurrahman ibn al-Qasim est le disciple de l'imam Malik. Et celui qui a écrit la Mudawwana, qui est, comme j'ai dit, la référence du madhab malikite, c'est Suhnun. Suhnun a réuni les questions posées par son cheikh à l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il a fait Suhnun? Toutes les questions que Abdurrahman ibn al-Qasim a posées à l'imam Malik, ben Suhnun les a enregistrées. Et les réponses de celui-ci, bon, il a les questions, les réponses, il les a mis réunies dans le Mudawwana. C'est un livre en 4 volumes. Bon, dans certaines éditions, vous allez trouver que le livre est attribué à l'imam Malik. Dans d'autres éditions, il est attribué à Abdurrahman ibn al-Qasim. Dans d'autres, à l'auteur qui est Suhnun. Tout cela est vrai en fin de compte. Parmi les élèves de l'imam Malik, c'est Yahya ibn Yahya al-Laythi. C'est Yahya ibn Yahya al-Laythi qui a rapporté le Muwatta de l'imam Malik. La version la plus authentique du Muwatta est celle de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Vous allez trouver beaucoup d'exemplaires de Muwatta dans les librairies. Si vous voulez acheter le Muwatta, choisissez la version, parce qu'il y a d'autres versions. Choisissez la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Parmi les disciples aussi, c'est Muhammad ibn al-Hakam. Les disciples de l'imam Malik, Muhammad ibn al-Hakam, c'est Muhammad ibn al-Hakam qui a répandu le madhhab de l'imam Malik au Maghreb. Alors les livres sur lesquels se basent les livres, les références du madhhab, le livre le plus connu, le plus célèbre bien sûr, c'est le Muwatta. Dans le Muwatta, l'imam Malik a réuni les hadiths et le fiqh. Il cite des hadiths et expose ses opinions fiqhiyah en jurisprudence. Il existe plusieurs livres explicatifs du Muwatta, plusieurs livres qui ont expliqué le Muwatta, à savoir Tamhid, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر القرطبي le grand savant ابن عبد البر de Cordoba Cordou de l'Espagne musulmane. Vous savez, l'Espagne musulmane l'a fourni de grands savants dont ابن عبد البر ابن رشد القرطبي le célèbre exégète du Coran, l'auteur du Jami' al-Ahkam al-Qur'an. Vous savez, la plupart des œuvres du fiqh et de l'exégèse malikite, bon, leurs auteurs sont issus de l'Espagne musulmane. Le livre Tamhid, il était écrit en 70 volumes, Mais aujourd'hui, il a été édité, bon, en moins de volume. Parmi les livres explicatifs du Muwatta, il y a Al-Qabas d'Ibn al-Arabi. Il y a aussi Al-Muntaqa, c'est un livre qui explique le Muwatta, Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta, les Abul-Walid Al-Baji. Abul-Walid Al-Baji. Il y a un livre abrégé. Vous allez apprendre que chaque madhhab, il a certains livres qui sont des livres abrégés, où on concentre le madhhab dans un petit livre abrégé, Mukhtasar. C'est le fameux Mukhtasar Khalil. Alors là, Mukhtasar Khalil, Khalil ibn Ishaq al-Jundi, il est mort en 767. Ce Mukhtasar, il est étudié par la plupart des Malikites. Il est la référence du madhhab. Bon, autre livre aussi, bon, il y a Mawahib al-Jalil, il y a aussi Mawahib al-Jalil, ce sont des explications du Mukhtasar. Sharh Mukhtasar Khalil, et vous allez voir que les livres malikites, toujours cette rime avec il. Hein? Mawahib al-Jalil, At-Taj wal-Iklil, Sharh Mukhtasar Khalil. En reconnaissance à ce livre qui est Mukhtasar Khalil. Il y a aussi comme autre livre, bon, il y a Sharh al-Kabir ala Mukhtasar Khalil, Ahmed Mohamed Dardir, Mawahib al-Jalil, At-Taj wal-Iklil, bon, j'ai dit, Manh al-Jalil, de Ulaysh, Jawahir al-Iklil. Bon, sont des livres. Et le fameux livre qui mérite que je le cite, c'est de Madhab Malikite, c'est Bidayat al-Mujtahid ou Nihayat al-Muqtasid. C'est le livre d'Ibn Rushd, le petit-fils, afin de le distinguer d'Ibn Rushd, le grand-père. Ils sont tous les deux Malikites. Et ce livre se caractérise par ce qu'on appelle la jurisprudence comparée. C'est très intéressant. Et parce que bon, Ibn Rushd, il a cité tous les madhahib. Il a cité les avis du madhahib Maliki, Shafi'i, bon, Maliki bien sûr, Shafi'i, Hanbalite, et même Zahirite, et Hanafite. Bon, il y a beaucoup de livres, bien sûr, dans le madhahib. Hashiyat al-Dasuqi, Sharh al-Sawi. Bon, le Muwatta, bon. Je donne une remarque, c'est que le Muwatta n'est pas entièrement authentique. Il dit souvent, dans certaines parties, il dit, il m'est parvenu que le professeur a fait telle chose. Or, ce genre de hadith dont la chaîne est interrompue est qualifié de faible par les savants du hadith. Mais dans sa majorité, le Muwatta est sahih. Inch'Allah, la prochaine fois, bon, je parlerai du madhhab Shafi'it. إذ مذهب حنبلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك